On va parler de soccer ou de football avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Salut Benoît. Salut Danny, salut Dan Radio Sport. Hey Benoît, avant de commencer, j'ai fait une entrevue avec Olivier Chartier, que tu connais très bien cette semaine. Tu connais très bien, grâce à Alma, Olivier aussi. Et eux veulent organiser aussi une activité, un peu comme tu as fait en Espagne. Eux autres, c'est en France, cependant, l'an prochain. Est-ce que les jeunes t'y fréquentent tout le temps, là? Ça fait quasiment 8-9 mois là, de ça, là? Est-ce qu'il y en garde vraiment des souvenirs impérissables? Ben sûrement, écoute, Les certainement. jeunes. Un voyage à Barcelone, des fois c'est plus tard que tu vas t'en apercevoir là, quand tu es jeune. Je veux dire, Ouais. t'achètes des souvenirs là-bas. On en parlait justement hier, des jeunes qui ont, ils ont pas nécessairement acheté des maillots de soccer dans la boutique du FC Barcelone, parce que c'est très coûteux. Exemple, juste un exemple pour ça. Ils ont acheté des maillots dans les petites boutiques à la sortie là, où ce qu'on était installé. Et puis, une année plus tard, tu vas dire, mais ça, c'est le gilet que je me suis acheté en Espagne. Tu sais, c'est un rappel que tu vas Ben faire. Ils sont allés voir Lionel Messi. Le voyage d'Olivier que tu parles, eh bien, je pense que ça fait suite un peu. Je crois que j'avais entendu entre tes branches que la direction de leur école nous avait dit, puisque c'est deux écoles secondaires, il n'y a pas une compétition, mais que presque. Eux ont fait un voyage en Espagne. Il faudrait peut-être. C'est le sport-études. Hein. Faut rappeler que ouais. c'est Olivier, c'est lui qui s'occupe qui gère le sport-études avec l'Association régionale de soccer, en collaboration avec le pavillon Villebois-Dufour-Alma. Donc, ils ont un voyage aussi. Moi, je pensais pas qu'elle allait partir aussitôt, mais étant donné qu'il y avait une petite pression de voir qu'il y avait l'autre, l'école voisine allait déjà faire un voyage à l'international, alors ils se sont mis les mains à la pâte et ils partent en France l'année prochaine. Puis il y avait des bons contacts là-bas aussi. Un voyage différent. Faut rappeler que quand même, eux, au niveau technique, ils ont une sélection des meilleurs joueurs un peu de secondaire 1, 2 de la région. Le monde du Saguenay ne vient pas encore dans ce programme sport-études-là. C'est surtout les jeunes du club d'Alma. On va chercher quelques joueurs du haut du lac, mais on veut en faire une équipe avec tous les meilleurs joueurs du Saguenay aussi. Mais le Saguenay peut-être tend à développer peut-être un autre sport-études dans les années futures. Ça, c'est à voir. OK. Donc, les gens qui peuvent aller voir, peuvent écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec Olivier Chartier sur le site de danadosport.com. Benoît, si on parlait maintenant de la nouvelle, tu dois être content. Dès que j'ai su ça, tu as dit Benoît doit être très heureux. Quoique, c'est pas confirmé encore, hein? Mais tu portes à croire qu'on se dirige vers ça. Patrice Bernier, dernière année probablement. Là, on peut dire que c'est la dernière année avec l'Impact. Ben, je sais que l'Impact a annoncé un point de presse en début de semaine prochaine. Ouais. C'est drôle de voir aller ça dans les médias. RDS, TVA Sport, on a vu aussi par rapport à ces deux grosses chaînes de télévision là québécoises au niveau sportif, que c'est TVA Sport qui a comme remporté le pari de présenter les matchs dans les 5 prochaines années. J'ai été surpris de ça un peu aussi. Au niveau de Patrice Bernier, comment ça se fait que ça aurait pu être. Je m'attendais qu'il soit signé, moi, à la fin de la saison, pas longtemps après, quand on a fait deux bilans au niveau de l'Impact. Bon, il n'est jamais trop tard. On va se rappeler de la saga Drogba. La sortie de Drogba, il n'est jamais trop tard pour le remercier. On l'a fait aussi. Donc, c'est la même affaire pour Patrice Bernier. Maintenant, de quelle façon? Est-ce qu'il va être joueur? Est-ce qu'on va l'utiliser un peu plus que l'an passé? On a commencé à l'utiliser en fin de saison. Patrice, moi, je suis capable, il est facilement capable de faire une saison. Et moi, c'est une saison à la fois. Mais comme tu dis, oui, on dirait que ça annonce probablement officiellement sa dernière saison, puis probablement un lien avec le club par la suite. Ah, en tout cas, on va surveiller ça de très très près. C'est une bonne nouvelle en tout cas pour les. Il resterait probablement comme ambassadeur, donc fait que à surveiller. Benoît, si on parlait maintenant, aujourd'hui, on n'entendra pas parler au Canada parce que c'est comme ça, parce que le soccer c'est injuste. Sauf qu'il y a un match il y a une compétition d'envergure vraiment internationale qui se déroule en Afrique, qui débute aujourd'hui, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un petit peu la Coupe comme l'Euro et la Copa América. On pourrait dire ça, Oui, là. Donc, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est aux 2 ans comparativement à l'Euro, par contre. Ben, c'est une coupe continentale, on va se rappeler, comme tu l'as mentionné. L'Euro pour l'Europe, la Gold Cup pour la CONCACAF, notre zone, avec la Copa América, avec la Sud-América. Alors, chaque continent a sa coupe continentale. Et là, ben, on commence avec la Coupe d'Afrique des Nations. Et il faut se rappeler que cette coupe-là, Danny, c'est la 31e édition. Ça a lieu au Gabon. Alors, ça commence aujourd'hui. Il y a quatre groupes de quatre. Il faut rappeler que tous les joueurs africains, c'est quand même une coupe très relevée parce qu'il y a de très bons joueurs en Afrique et beaucoup en Europe, en France surtout. Il y a beaucoup de joueurs africains qui se retrouvent dans des clubs français. On va donner un exemple de notre défenseur à Montréal, Ambroise Yongo, qui, le fait de participer à cette Coupe d'Afrique des Nations, le retarde peut-être de son transfert vers la France à cause de cette coupe-là. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas encore avec un club français, étant donné que les joueurs qui jouent avec le club français s'en vont dans leur équipe nationale des fois, mais ça peut être une semaine ou deux. Là. Si tu veux qu'on fasse un tour des quatre groupes, tu peux faire un tour. Dans le groupe A, tu as le Gabon, le Burkina Faso, le Cameroun et la Guinée. Donc, le Cameroun, d'après moi, et Burkina Faso devraient faire un bon tour. Là, c'est les deux premiers qui vont aller en quart de finale. Dans le groupe B, tu as l'Algérie, Tunisie, Sénégal et Zimbabwe. Donc ici, Tunisie, Algérie, Sénégal, selon moi, devraient sortir les deux premiers de leur groupe. Dans le groupe C, on a la Côte d'Ivoire, le Congo, la République démocratique du Congo, le Maroc et le Togo. Donc ici, d'après moi, Côte d'Ivoire et Maroc, on devrait s'en sortir. Et dans le groupe D, le Ghana, Mali, Égypte et Ouganda. Selon moi, le Ghana et le Mali devraient s'en sortir en quart de finale. Peut-être l'Égypte, on ne sait pas. Mais c'est des matchs serrés quand même. Aujourd'hui, ça commence donc le Gabon contre la Guinée et le Burkina Faso contre le Cameroun. Donc, il y a des postes télévision qui les présentent. Sinon, sur Internet, on est capable d'avoir les matchs. Ben moi, je suis plus capable avec les streaming. Ils ont tout bloqué ça quasiment. C'est de plus en plus difficile à regarder du streaming sur Internet. Donc, je sais qu'au Canada, c'est présenté par la chaîne BIN. Vous pouvez capter ça, évidemment, sur appeler votre câble distributeur si ça vous intéresse. Mais je ne vois pas qu'il y a grande puissance, Benoît. Tu n'as pas grande puissance là-dedans. Là. Tu sais, des pays qui vont participer à des Coupes du Monde ou ainsi de suite. C'est peut-être la Côte d'Ivoire, parce qu'on connaît Drogba. Mais Ben, je veux dire, il faut se rappeler que les Africains en Côte d'Ivoire, les pays d'Afrique, n'ont jamais traversé plus loin que les quarts de finale. Fait que c'est sûr, mais c'est du quand même. Je pense qu'il a fait un certain bout. Ils n'ont pas réussi à se rendre en demi-finale. Ils sont rendus en quart de finale, mais tu vois, le Ghana, c'est lors de pas la dernière coupe, la coupe d'avant, en 2010, je crois, en 2008. 2010 en Afrique, ouais, il avait perdu trois de finale. Mais on va se rappeler, il avait joué contre l'Uruguay, en tout cas, puis il avait perdu au tir au but en quart de finale. Mais jamais un club africain à la Coupe du Monde qui s'est retrouvé en quart de finale. Mais le foot est très relevé quand même. La physionomie des joueurs africains est très relevée au niveau du football. Et ça n'empêche pas qu'il va y avoir de bons matchs. Mais c'est très écouté en Afrique. Et c'est très écouté dans le coin de Montréal, parce qu'à Montréal, on va savoir qu'il y a beaucoup d'Africains qui suivent le football, surtout le football. Effectivement. Parle-moi maintenant de Drogba. Drogba, qui tu l'as mis sur Espace Soccer, sur ton site l'autre jour. Drogba qui a dit oui, il dit Marseille, peut-être, oui, il y a des bonnes chances, sauf que l'instructeur de Marseille a dit non, garde. Drogba, qui veut continuer. Ça semble de plus en plus difficile pour se trouver un club. Hein? C'est-tu moi qui exagère? Moi, je pense qu'à un moment donné, on a dit... Parce que l'Impact, tout indique qu'il a essayé avec l'Impact, finalement. Mais... Oui, ça, c'est toi que j'ai entendu parler par toi, mais je n'ai pas entendu parler autre que autre c'est, place. C'est Jérémy Filosa, je pense que c'est du 97 qui l'avait déclaré. Bon. En tout cas, peu importe, Didier Drogba, peut-être que ça serait le temps pour lui de penser à accrocher ses crampons, comme il aurait dû faire l'an passé quand il a parlé d'aller à retrouver Chelsea, mais c'est plus Mourinho qui est là, donc l'intérêt de Chelsea de voir Drogba dans l'horizon du club, je pense pas que ça intéresse Chelsea, c'est plus Mourinho qui est là, puis Mourinho à Manchester United, jamais Drogba s'en ira dans ce coin-là. Maintenant, au niveau du jeu, Lui, il espère jouer. Alors, s'il y avait à faire un dernier retour ou un dernier tour de piste, selon moi, ça aurait dû être annoncé peut-être avec l'Olympique de Marseille. Il a toujours dit qu'il serait intéressé. Mais moi, j'ai lu les commentaires un peu. Mais les gars, il y avait des réponses qui disaient que ce serait peut-être le temps d'arrêter d'accrocher tes crampons et de terminer ça de cette façon. Peut-être qu'il est déçu un petit peu de la fin. Avec Montréal un peu, mais c'est ça une fin de carrière, hein? Les joueurs, les grands stars en fin de carrière qui veulent donner un an de plus ou 2 ans de plus, des fois ça fait le contraire un peu, puis ça devient plus négatif un peu à ce niveau-là. C'est quand même surprenant pareil, parce que tu sais que l'an passé avec Chelsea, c'était comme instructeur qui aurait été instructeur adjoint. Puis joueur, on avait même amené parler de joueur instructeur, mais c'était plus instructeur. Puis là, ben, il veut pas se retirer. C'est quand même assez surprenant pareil, mais. Tu sais, le foot est quand même. Il y a beaucoup de clubs dans le foot, dans le monde entier. Je pense qu'il va réussir à se trouver un club, mais c'est beaucoup plus difficile qu'il faut. La grosse nouvelle cette semaine également, c'est la FIFA qui passe de 32 à 48 équipes. Première réaction que j'ai eue, c'est peut-être une chance pour le Canada. Oui, peut-être une chance pour le Canada, c'est certain, parce que il faut regarder ça, il faut diviser encore une fois les continents. Donc, chaque continent va augmenter son nombre de pays participants à cette Coupe du Monde. En général, j'ai pu lire un ici et là, on dirait que les gens sont favorables à cette décision. Ouais. On dirait que ça semble défavorable. Il y a d'autres, j'ai vu des médias français, beaucoup des médias français qui semblent des fois peu favorable à ça. On sait, à quelque part, c'est une question d'argent aussi. Ah oui. C'est clair. Parce qu'il va y avoir plus de matchs de qualification aussi, là. Alors, plus de matchs de qualification. Quoique les qualifications d'année devraient rester les mêmes un petit peu avant, parce que c'est les mêmes pays parce que tous les pays ouais, étaient mais là. Il va y avoir plus de matchs, j'imagine. Non? Il va y avoir pas nécessairement plus de matchs, mais peut-être pour la CONCACAF, ça va peut-être changer un petit peu. Là, ce qu'il faut penser, c'est qu'exemple, en Europe, on est 13 pays à aller à la Coupe du Monde actuellement, et en 2026, on va parler de 16. Fait que là, c'est ça, il y a eu des hypothèses qui ont été sorties un peu. Pour la zone CONCACAF, on avait 3,5. Quand on dit 3,5, c'était les trois premiers, et il y avait la quatrième qui s'en allait jouer contre des matchs de barrage contre un autre continent. Donc, là, on parle de 6,5. C'est là que le Canada, puis encore, le Canada devra travailler, il n'y a rien de fait. Là. Parce que le Canada a de la misère contre la Jamaïque, contre l'Honduras, contre le Panama, il n'y a rien. Mais ça pousse tranquillement. L'équipe canadienne, l'équipe nationale, les joueurs, les jeunes de l'Impact, qui ont été demandés là, dans la sélection nationale pour les prochains rendez-vous. Mais il faut dire, Danny, que. Ça passe par là, hein, l'académie. Je pense que quelque part, les différentes académies du Toronto FC, de l'Impact et des Wildcats de Vancouver, peut-être plus de confiance de côté. Côté à ça que du côté peut-être de la MLS. Là. Oui, effectivement. On dit aussi de l'équipe canadienne. La durée de la compétition va être à peu près la même en termes de temps. Mais on parle plutôt que on va passer de 80 matchs à 64 matchs. C'est 16 matchs de plus. Mais là, au lieu d'avoir 8 groupes de 4, 8 fois 4, 32, on va tomber à 16. On parle de 16 groupes de 3. Et on va prendre les deux premiers pour tomber en 16e de finale par la suite. OK. Donc, on va surveiller ça de très près. Benoît, un gros, gros merci. On se reparle dans 2 semaines avec une nouvelle chronique sur le soccer en Europe. Mais puis là, je pense que quand l'entraînement de l'Impact va être commencé, puisqu'hier, c'était le Super Draft. Ça va vite, hein, la saison. Ça va vite. En mois de mars, ça commence. La saison mars-avril, la saison de l'Impact commence. Le calendrier est déjà sorti. Il s'agit aux fans d'aller suivre un peu sur les sites, sur les médias pour voir quand est-ce que l'Impact va faire son premier match à Montréal. Je crois que la date est sortie. Ouais, effectivement. Sortie aussi. Puis, Danny, nous, dans la région, ben, tantôt, tu as parlé d'Olivier avec le sport études à Alma. Ben, il y a les ligues intérieures qui se déroulent présentement. Le futsal, nous ici à Alma, on a une ligue là, qui existe depuis sa 11e année. C'est du 4 contre 4 en gymnase. C'est assez rapide comme jeu. Il y a des bons joueurs. Il y a des joueurs de partout de la région. Il y a des joueurs du Haut-du-Lac, il y a des joueurs du Saguenay. Ça se regroupe à Alma. Puis il y a des ligues au Saguenay aussi. Ça fait que c'est parti le soccer intérieur. En attendant les centres intérieurs tant attendus au Saguenay, Alma, il va en avoir un, mais ça va être du soccer à 7. Ça fait que ça s'en vient tranquillement pour les Jeux du Québec. Là. Le stade intérieur d'Alma devrait être prêt pour les prochains Jeux du Québec là, au mois de mars prochain. Bravo. Benoît, la voix d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saint-Jean. Merci beaucoup pour son part. Yes, salut Danny.